Bonsoir à tous en ce vendredi 25 janvier. Bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant et tout ce qui gravite autour. Dans ce qui tourne autour, donc ça sera pas, ça plaira pas aux puristes de l'indie rock, mais bon, c'est pas grave. Et on revient cette semaine, après deux semaines, dans les dernières semaines en fait, avec des spéciales des années 90, on revient en 2013 ce soir. Donc beaucoup de trucs, des extraits d'albums qui s'en viennent dans les prochaines semaines, donc super intéressant. On commence d'ailleurs avec une formation shoegaze en forme en provenance de Glasgow en Écosse. C'est une trouvaille de Mélanie Lapierre de l'émission London Café, qui est le mardi 21h, une émission consacrée à la musique britannique. Donc, groupe qui s'appelle Cherry Wave. Ils viennent de sortir un Blush EP, donc qui débute avec la chanson Blush, qu'on écoute tout de suite du groupe Cherry Wave sur les ondes de CISM. Tearjerker, un trio de Toronto avec Another Moon, une chanson qui est sortie l'été dernier sur le Ibing EP, un EP de 4 chansons que vous pouvez retrouver gratuitement sur le Bandcamp du groupe Tearjerker. Et si vous voulez retrouver, on fait la liste des chansons qui vont jouer pendant l'émission de ce soir, c'est toujours sur le CISM893.ca que ça se retrouve vers la fin de l'émission, quelques minutes après. On va poursuivre avec les compatriotes de Gérard Depardieu, les Russes de Manicure, ou Manicure en anglais, et ça va être une chanson tirée de leur album Grow Up, qu'ils offrent également eux aussi gratuitement sur Internet. On écoute tout de suite la chanson Winter de Manicure à l'émission Le Terminus. formation de Chicago de Life and Time avec la chanson Day One, qui est extrait de l'album No One Loves You Like I Do, bien sûr. Et juste avant, c'était un groupe local, enfin un autre de ces groupes qui aiment chanter pas mal loin du micro, c'est une tendance ces temps-ci. C'est le groupe Femme Accident avec la chanson Pictures qui est tirée de Shiver, leur album qu'ils ont lancé samedi dernier lors d'un spectacle lancement au CFC sur la Plaza Saint-Hubert. Et si vous êtes dans le coin, ils seront à Québec là, autour du mois de février au Cercle, donc le groupe Femme Accident. On va poursuivre avec le premier extrait du prochain album de Generationals. Ça s'appelle Spinoza. L'album, lui, va s'appeler Eza. Il sort autour du mois d'avril prochain. L'extrait, donc, est disponible depuis quelques jours, quelques semaines sur les internets. Et ça sera suivi après du groupe Sisu avec la chanson Light Eyes. Et je vous préviens, ça va être un segment qui va quand même relativement bouger. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM, le 89.3. I'm Première nuit, une collaboration entre le français Mark Daes et les anglais The Pipers. Une chanson qui est sortie l'été dernier sur SoundCloud et que vous pouvez retrouver gratuitement sur ce site-là. Et ça cadrait, ça cadrait quand même assez bien. Ça suivait assez bien, en fait, la chanson Light Eyes de Saisu que nous avons entendue juste avant. Et Saisu, ça s'écrit S-I-S-U. Et voilà, on va continuer avec d'autres Anglais cette fois-ci. C'est Fear of Men qui travaillerait actuellement sur un premier album, donc apparaître dans les prochains mois. En attendant, ils ont sorti à l'automne un 7 pouces de deux chansons. Et on va entendre une de ces deux chansons-là. Ça va être la chanson Mosaïque de Fear of Men à l'émission Le Terminus sur CISM. It is good for me that I've been afflicted. I want you to notice he did not say it is best for me that I've been afflicted. Breaking into pieces to feel safe. David and the Woods avec Synesthésie, une chanson qui se retrouve sur The Peace Den, son dernier album paru en 2011. Et en attendant du nouveau matériel de sa part, vous pouvez toujours vous rabattre en attendant sur Crab, qui est un projet parallèle de David and the Woods, dans lequel David Dugaudion joue de la batterie. Et le duo vient justement de sortir un nouvel album qui s'appelle Mort de fraîche date, et de façon pas mal indépendante. Je vous invite à aller voir ça sur le Bandcamp de Crab ou de David and the Woods. On va continuer avec Joe Boca, qui est la collaboration entre Joël Martel et Pascal Beaulieu. À moins que je me trompe, je crois qu'il y a déjà une chanson qui figure sur le palmarès de CISM depuis cette semaine ou la semaine dernière. Enfin, nous, on va entendre la chanson « Change de vie » de leur album « Repartir à deux ». Qui est disponible gratuitement sur le martelsolo.com. Donc, on écoute ça tout de suite et ça sera suivi de Jésus les filles avec le dernier album de Beck. Tout ça sur les ondes de CISM. Piégé dans la société de consommation, c'est pas évident de s'évader quand t'es toujours en mode plan B. C'est pas évident de rester dehors comme un grandi dans une prison. C'est pas évident de rester dehors comme un grandi dans une prison. Yes, c'était Black Tambourine avec la chanson I Want You Around. Et Black Tambourine, en fait, c'est un groupe de Washington qui était actif entre 1989 et 1991. C'est vraiment pas long, ça. Et j'étais pas vraiment très, très vieux à cette époque-là non plus. Et à ce que j'ai compris, l'étiquette Slumberland Records vient tout juste de rééditer via Bandcamp un EP que le groupe Black Tambourine avait produit à l'époque, qui s'appelle 1, 2, 3, 4 et qui comprend donc 4 chansons qui sont des reprises des Ramones. Donc c'est pour ça que cette chanson-là, I Want You Around, vous disait probablement quelque chose. Ils ont également sur le même album une chanson comme I Wanna Be Your Boyfriend, qui est également une reprise donc des Ramones. Et c'était précédé de Jésus les filles avec le dernier album de Beck. Restez à l'écoute dans quelques instants, c'est Zika Mendes et l'émission La MyFair qui va vous accompagner pour le restant, pour en fait pour une autre heure sur les ondes de CISM. Sinon, vous pouvez vous rendre toujours sur le CISM893.ca pour retrouver la liste des chansons et même réécouter l'émission de ce soir. Également, le terminus.ca pour les archives de l'émission. Et on se quitte ce soir avec... En fait, c'est le retour du classique de la semaine en 2013. On l'avait un petit peu laissé de côté. Et ce soir, on va aller du côté de Mick Lusky et de son album Mick Lusky Do Dallas qui est sorti en 2012. Donc, il y a à peu près 11 ans de ça déjà. Ça va être la chanson Alan is a Cowboy Killer. Et Mick Lusky, si vous ne savez pas, je crois qu'ils sont séparés depuis même 2005. Donc, il ne se passe plus vraiment grand-chose de leur côté. Donc, on peut écouter cette chanson-là, Alan is a Cowboy Killer, pour se quitter. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Également, on se retrouve vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de Le Terminus. Et voilà, c'est ça. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Ciao! Bonsoir et bienvenue dans La MyFi, épisode 20. Nous sommes le vendredi 25 janvier 2013 et il est 22h. Disponible dès aujourd'hui sur votre téléphone, l'application Tabasco Thierry. Thierry, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je peux faire? Pas de problème. Va immédiatement au Tabasco Bar t'hydrater, car ce soir lundi, c'est notre soirée mojito double. Thierry, j'aime pas trop les blondes. Que dois-je faire? Pas de problème. Il y a des rousses, des brunes et des ambrées. Thierry, j'aimerais faire autre chose que de jouer au billard ce soir. Pas de problème. Descends immédiatement de 2 étages et défoule-toi sur ma piste de danse. Thierry, je viens de rencontrer un gars qui danse comme un dieu et je cherche un endroit pour prendre un verre et discuter avec lui. Pas de problème. Je vous ai réservé la banquette. La serveuse arrive immédiatement. Thierry, merci pour la belle soirée. À bientôt. Pas de problème. C'est mon travail. TabascoBar.com. Du 17 janvier au 9 février, Igloo Fest t'invite à rallier tes troupes et à venir combattre le froid de l'hiver. Ce week-end, pars à la conquête avec Ellen Allen, Nina Kravis, Kate Canada, Tonight et plusieurs autres. Nouveauté cette année, l'événement s'étend sur 4 week-ends. Igloo Fest au Vieux-Port, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech. Bonjour, ici Philippe B et vous écoutez CISM. Oui, oui, CISM. Je n'irai pas. Aller là-haut. Grosse Boîte est fière de vous annoncer la participation de ses artistes à Montréal en Lumière. Ne manquez pas Canaille et Bernard Adamus le 23 février au Métropolis. Gros Méné et la descente du coude le 27 février au Club Soda et la rentrée montréalaise de Fanny Bloom le 28 février au Corona. Pour plus de détails et pour vous procurer des billets, visitez legrosseboite.com. Toussaint-L'Éveillé. Jeune auteur-compositeur-interprète, nous offrons un nouvel album aux saveurs blues, folk, jazz et reggae. Petite sœur, tu choses des souliers un peu trop grands pour ta pudeur. Cours pas trop vite, risque de tomber sur un cœur. Rester collé à lui, je montais un château de bonheur. Sarah Toussaint-L'Éveillé en spectacle au Studio Théâtre de la Place des Arts le 30 janvier. Billets en vente sur as-tu-vu.ca. La mal lunée déchire sa laine, les troupeaux d'ombre qui la suivent. Les saveurs de Buenos Aires sont à l'honneur lors de Montréal en Lumière. En février, savourez votre plaisir. Prenez part aux ateliers Air France de l'Académie culinaire. Devenez les jurés lors de la soirée découverte chef et fromage d'ici. Et délectez-vous lors du repas convivial de Buenos Aires au marché Bon Secours. Faites vite, les places s'envolent comme des petits pains chauds. Réservez sur montrealenlumière.com. Une présentation de RBC en association avec La Presse et CISM. Ils étaient 32 groupes de Montréal, ils ne sont plus que 8. La plus importante compétition de band, l'Omnium du Rock. Des duels sans merci avec une finale opposant Montréal, Québec et l'Outaouais. La tension monte alors qu'il ne reste que 8 groupes de la région. Ne manque pas les semi-finales ce vendredi et samedi au Café Campus. Visite le omniumdurock.tv pour plus d'infos. L'Omnium du Rock, une présentation de CISM en collaboration avec Steve's Music et le studio CME.